jou. M'pose catalix sou bit la papa. Lem deje à côté ma petite affaire la mienne. La boutique. En soirée, baby mama, ça va bien se passer. On va danser, se cuisiner sur le canapé, sur la table, sous la douche, baby. Appelle-moi pompier. Sur le canapé, sur la table, sous la douche, baby. Appelle-moi pompier. On chibosoukou, de chibosoukou, c'est bosoukou. J'aurais même ma baoule. On chibosoukou, de chibosoukou, c'est bosoukou. J'aurais même ma baoule. Pour c'est moi qui pipon. Tout ça qu'on fait toujours bon. Mais soirée même fait, soirée même ouais m'fait bébé. C'est qu'un béo à plan. Alors c'est kit, kit, kit, kit, kit, c'est coude, kit, kit, kit, kit, compa. Dans la salle de bain, sous la douche, c'est bon. Sous le canapé.